et ce putain de camion poubelle qui me réveille chaque matin me rend la vie moins belle et mon désespoir sans fin. Je regrette soudain de ne pas être riche, être dépourvu de double vitrage. Oh vraiment, Mathieu avait raison, j'aurais dû bosser ou faire franc-maçon. J'aurais pu grimper les échelons, être une idole des jeunes à la Mélenchon et faire parfois des grasses maths. Mais ce putain de camion poubelle qui me réveille chaque matin me rend la vie moins belle et mon désespoir sans fin. Et ce putain de camion poubelle qui me réveille chaque matin me rend la vie moins belle et mon désespoir sans fin. Si j'avais su que jouer toute ma vie du punk rock m'amènerait à ne plus pouvoir dormir, être réveillé par des camions à 6h le mat, déjà qu'à longueur d'année je dois bouffer des pâtes. Putain, mais j'ai même pas de quoi m'acheter des putains de fruits frais, le RSA me bouffe la vie. Et ce putain de camion poubelle qui me réveille chaque matin me rend la vie moins belle et mon désespoir sans fin. Oui, allô, je suis bien à la mairie de Metz. Oui, bonjour, c'est pour une réclamation. Oui, bon, en fait, vous faites passer tous les jours des camions poubelles et des camions de nettoyage à 6h du matin dans toutes les rues de Metz. Donc voilà, il y a des gens qui dorment, qui sont en congé ou qui sont au RSA. Si, ce serait bien de laver un peu moins et dormir un peu plus. Vous ferez remonter. Je vous remercie. Au revoir. Et ce putain de camion poubelle qui me réveille chaque matin me rend la vie moins belle et mon désespoir sans fin. Mon désespoir sans fin. Mon désespoir sans fin.